برايس سكوربيو. يا ودي وايه اوكي ازم زاد انا قمزة حرى كله يدوي باب الحق يا قزني كاني تفوس يقزود واللي ميكا يكرر في القفوس Tu lances des SOS, t'inquiète c'est RS. Si tu l'aurais y'a pas de fitness. On veut s'en sortir, ma commence des merdes. Pour y arriver, ma commence des mêles. On te malmène, on défonce les barrières. Rien à foutre de leur crise, on fait nos affaires. Mec c'est ça le thème, oublie les problèmes. Avec l'équipe quoi qu'il se passe, faut qu'on s'en mêle. On m'attend en tournant, donc faut rester zen. La prod fait mal, donc un bad flow je dégaine. On fait les bails, normal, on fait les dièses, normal. On est jaloux, trop trop brutal. Dis-moi frère, qui veut nous stopper? Qui veut nous bloquer? Qui va t'en choquer? Accroche au beat. Tu me gèles les pieds dedans. Je suis la mélodie, viens et rentre dedans. Écoutez, man, amoudas, la pile ou houfouz. Qui mangeait des knaki, on jouait half-end dans les znaki. Avec Walou, on te faisait un tour. Si on recevait un peu, on te donnait beaucoup. Chaussette trouée, c'était la Dolce Vita. Avec un ballon crevé, on se prenait pour Zidane. Sale gosse, Runona sur le visage. Pour un dirham, c'était le casse d'Alton à Rissa. Et aujourd'hui, on monte le ton sur le PPM. De la CRT Ibiza, on veut passer au BM. On a la dalle, on fait nos affaires, Herco. Je m'invite à votre fête, j'y bouffe gratos. On a les crocs, fais gaffe, c'est le RS. Forgé dans la misère. Alors, on noie nos soucis dans les décibels, on fout le bordel comme un PSG WEM. Écoute, le bateau a coulé et les rats ont déjà quitté le navire. Ok. Tu crains de venir mal à ce qui est arroyant. Raïs et Scorpion. Ra. Festival ambianceur. Ok. Le bateau a coulé. Et les rats ont déjà quitté le navire.